Les participants à la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, le cimetière des martyrs révolutionnaires du Mont Taesong, le musée de la guerre de libération de la patrie, le palais des sciences et techniques, etc.